Chapitre 7e. Les chevaux qui emportent Juana et Fleur de Soleil galopent longtemps, malgré leur double charge. Ils contournent l'extrême pointe de la lagune, passent non loin du promontoire aux crocodiles, et leurs cavaliers les lancent résolument dans le bolson de Mapimi. L'endroit n'est pas, comme on pourrait le croire, un horrible désert sans eau et sans verdure. Il y a un peu de tout, dans cette étrange contrée, aujourd'hui inconnue, inexploitée, mais que tôt ou tard la civilisation revendiquera et mettra en valeur. On y trouve des sables et des futaies, des rochers, des prairies, des ruisselets et des montagnes. On y trouve également des fauves et des reptiles. On y trouve même des hommes attirés par la surabondance des métaux précieux. Des hommes de sacs et de cordes, moitié mineurs, moitié brigands, sans foi ni loi, sans feu ni lieu, l'écume de la civilisation, vivant là dans une sécurité relative, exploitant l'or parce que le brigandage n'est pas toujours lucratif, et servant très volontiers d'auxiliaire à quiconque veut les embaucher pour quelque œuvre de rapine et de sang. Ils s'intitulent eux-mêmes ou réfugiés ou désespérés. Un euphémisme délicieux pour désigner d'affreux sacripants qui se sont enfuis, la chaîne à la patte ou la corde au cou, des présidios mexicains ou des geôles américaines. Aussi, quelle joie quand ils font une de ces expéditions où il y a des membres à casser, des peaux à vider, des violences à exercer. Tels sont les vauriens auxquels a fait appel ce personnage énigmatique et cruel qu'on ne voit pas et dont la main est partout, cet Andrés Romero, dont par son orgueil et sa brutalité, Don Blas Guerrero s'est fait un formidable ennemi. L'enragée galopade a duré près de 3 heures. L'excès même des souffrances qu'elle endure empêche la pauvre Juana de s'évanouir tout à fait. Plongée dans un anéantissement douloureux qui laisse la pensée intacte, elle songe que les 6 bandits viennent du côté où se trouvait le campement de ses parents. Et une mortelle angoisse la saisit. Que s'est-il passé là-bas depuis l'orage et l'inondation? Son père, sa mère, Harry, leurs hommes n'ont-ils pas été attaqués pendant ce terrible désarroi? Elle va être édifiée dans un moment, et de façon cruelle. Le peloton fait halte près d'une colline boisée peu élevée, en un lieu où fument et pétillent quelques brasiers. Des gens sont là, vautrés sur l'herbe, mangeant et buvant. Ils sont une trentaine et poussent, à l'aspect des nouveaux venus, des hurrahs retentissants, puis des cris, des jurons, des invectives. Juana et Flore sont descendues de cheval. Alors la malheureuse enfant voit avec horreur de tous côtés des monceaux de butin. Les chariots renfermant une fortune ont été mis au pillage. Il y a des mules chargées de ballots, des provisions, des vêtements, du linge, des armes, jusqu'à un petit buggy appartenant à Harry et qui suivait, attaché par les brancards à l'arrière du dernier wagon. Elle voudrait et n'ose interroger ces gens qui l'épouvantent. Elle jette un regard éperdu sur l'Indienne et balbutie « Flore, ma petite Flore aimée, je me sens mourir. Courage !» répond à demi-voix l'intrépide enfant. « Courage, il faut s'attendre à tout dans la vie. Regarde bien en face le malheur et brave-le. Oui, je vais tâcher, il le faut, bien que mon cœur se brise en songeant à ma mère, à mon père. Nos parents endurcissent notre âme comme notre corps. Ils nous apprennent à sourire, même si un coyote nous rongeait le cœur. Le buggy, attelé à la diable d'une jolie mule, est rempli des objets les plus précieux. Juana reconnaît tout cela et frémit. Mais alors, le désastre est complet. Que sont devenus ses parents? Les Américains de Harry, ses troupes, jusqu'alors invincibles. Ont-ils été surpris en plein désarroi, dispersés, massacrés peut-être? Elle n'ose envisager l'horrible réalité en voyant que tout s'effondre autour d'elle. Cependant, la halte est courte. Les bandits sont pressés d'évacuer le terrain. Le chef qui a pris le commandement de la troupe est ce même individu au regard sournois, à la politesse railleuse, qui captura Juana et son ami. Il s'avance vers la jeune fille et lui dit, avec ses façons ironiques de belâtre fanfaron et cruel, « Señorita, vous voyagez tout à l'heure dans un équipage indigne de votre rang et de votre beauté. » Juana retrouve une partie de son énergie et riposte, « Je vous dispense de compliments qui sont une injure. Que voulez-vous ? Mais, continue le drôle avec une impudeur tranquille, vous offrir cette voiture qui vous permettra d'aller sans trop de fatigue, là où nous avons ordre de vous conduire. » Sans s'abaisser à discuter, à protester, elle monte dans le buggy, prend les rênes et dit à Flore « Monte près de moi, chère petite. » L'Indienne s'élance d'un bond sur le siège, au moment où le desperado ajoute « Et maintenant, señorita, permettez-moi de vous donner un sage conseil. Ne cherchez pas à vous enfuir, car alors nous aurions le regret de vous bâillonner et de vous garrotter. Et ces caballeros ont la main rude. À présent, en route !» Malgré la charge qui les écrase, les chevaux et les mules partent d'un train d'enfer. Tous la galopent, tressautent, cahotent, avec des bruits de sabots et de ferraille, et filent vers le nord. La bande semble avoir pour objectif une sierra dont les sommets apparaissent à peine au loin comme une vapeur bleuâtre. Le temps talonne ces vauriens, car la marche s'accélère de façon désordonnée. De temps en temps, une mule s'abat à bout de force et d'haleine. Un bandit jure et sacre devant l'opulent butin qu'il lui faut abandonner et détale. Parfois, c'est un cheval qui s'écroule sous son cavalier. L'homme se dégage et tempête, pendant que ses camarades passent indifférents et disparaissent dans un tourbillon de poussière. On galope sans relâche, à peine 2 heures de halte pendant la nuit. Le corps brisé, l'âme endolorie, la pauvre Juana songe qu'elle s'éloigne de plus en plus de ce campement ravagé, qui représente pour elle le dernier lieu, et pour tout dire, la suprême expression de la famille. À présent, tout lui manque à la fois, le soutien physique, le réconfort moral, oui, tout, même l'espérance, à 17 ans. Ayant laissé à la traîne la moitié de son effectif, la troupe arrive enfin au terme de ce rude voyage. Elle débouche dans une plaine aride, caillouteuse, d'où émergent quelques arbres étiques. De minces filets d'eau blanchâtre serpentent à travers cette plaine dont le sol fouillé, raviné, déchiré, atteste un labeur fiévreux. Des centaines de trous carrés profonds de plusieurs mètres criblent comme autant d'alvéoles l'immense étendue de sable. Ça et là, des pioches, des pics, des baramines, des caisses en planches, des appareils bizarres en crayonnage de bambou et affectant la forme d'un berceau, puis des monceaux de boîtes à conserve. Ce vaste chantier, pour l'instant désert, est un champ d'or. Ces fosses quadrangulaires sont des claims, d'où les mineurs extraient le gravier aurifère. Il y a là des sommes énormes enfouies et guettées par la convoitise de ces gens, travailleurs intermittents, brigands irréductibles, pour qui le labeur même le plus opulent n'est qu'une chaîne trop lourde. Un peu plus loin, adossé à une colline, s'étale un haillon de village, des tentes rapiécées, des tanières gazonnées, des huttes en branchage, avec par place de vastes log-houses en rondins superposés qui se détachent comme des palais. La plupart servent de bar, où se débitent à prix d'or ces liquides incendiaires, si chers à ces déclassés pour qui l'ivresse est devenue un besoin de nature. Une centaine d'hommes étendus en plein air devant les bars font la sieste. La plupart sont d'ailleurs abominablement ivres, effusiés par les drinks absorbés avec une gloutonnerie bestiale. L'arrivée de la troupe soulève des cris, des jurons, des hurrahs, et des coups de revolver tirés en signe d'allégresse détonnent bruyamment. Au vacarme, la porte d'un log-house s'ouvre. Un homme apparaît, fait signe au chef, et la voiture avec son escorte de sacripants stoppe sur place. « Est-ce qu'il est là ?» demande le chef. « Oui, il est là, et il commence à s'impatienter. Tu sais, il ne rit pas toujours. »« Señorita, » reprend le chef, « descendez, je vous prie, vous êtes arrivé. » Flore de sol, qui regarde sans broncher ses vauriens, saute agilement sur le sable. Puis elle aide à descendre Juana, dont les jambes raidies peuvent à peine se mouvoir. L'inconnu désigne la porte, et dit en les dévisageant avec un sourire équivoque. « Entrez donc, vous allez trouver agréable compagnie. » Un homme vêtu avec recherche du costume mexicain se lève et s'incline devant la jeune fille qui étouffe un cri. « Andrés, » dit-elle avec horreur, « vous, vous ici ?» C'est un superbe métis d'une beauté mâle, étrange, en quelque sorte fatale. Il pâlit légèrement et répond d'une voix altérée. « Vous ne m'attendiez point ici, n'est-ce pas, Juana Guerrero ?» Elle riposte, méprisante, indignée. « Ah, je comprends tout à présent. L'embuscade, le rapt, le vol, en attendant l'assassinat. Tout cela venait de vous, j'aurais dû m'en douter. Oh, señorita, même le vol. » « Que voulez-vous? Je suis devenu chef de brigand. » D'aucuns diraient chef de partisan. « Ici, au Mexique, la différence n'existe guère. Et je ne vous cherche pas une querelle de mots. » Soit fureur, soit émotion, également contenue. La voix, harmonieuse malgré tout, chevrotte entre les dents magnifiques du métis. « Et vous prétendez me garder prisonnière ?» riposte avec hauteur la jeune fille. « Cela dépendra de vous. Mais veuillez vous asseoir. Veuillez également prendre quelques aliments dont vous devez avoir grand besoin. Je ne veux rien de vous, pas même l'aumône d'un fruit ou d'un verre d'eau. Prenez donc dès maintenant, sous peine de mourir d'inanition. Il vous faudra bien en arriver là, aujourd'hui, demain, plus tard. Puisque jamais plus je ne me séparerai de vous. » Pendant cet étrange colloque, le jeune homme, remué jusqu'au fond de son être, malgré cette impassibilité qui l'affecte, regarde sa prisonnière avec une expression étrange et formidable. Ses yeux superbes, au regard magnétique, semblent en même temps la menacer et l'implorer, exprimer la haine et la passion, avec parfois une lueur de folie homicide. Elle répond en bravant « Vous oubliez que la mort peut me délivrer ? Peut-être, en effet, vaudrait-il mieux qu'il en fût ainsi ? Je serai débarrassé à tout jamais de cette obsession si chère et si cruelle, de cette chaîne que je baise et que je voudrais briser. Oui, il me semble que j'éprouverai à vous tuer une joie monstrueuse. Dussé-je verser sur votre cadavre des larmes de sang ? Ne menace pas, Andrés, interrompt Fleur de Soleil, et sache que Juana trouverait des vengeurs. C'est à peine s'il a fait jusqu'alors attention à la petite indienne, la prenant sans doute pour quelque servante. Il la regarde, reconnaît celle qui fut avec les Indiens sa complice dans le sac de l'hacienda, et s'écrie, surpris. « La fille d'élan rapide. Elle t'a donc aussi apprivoisée, petite panthère. Elle t'a faite son esclave. Oui, esclave d'affection, de dévouement et de fidélité. Celle qui reste, quand même, l'amie des mauvais jours. » « Bien cela, petite sœur chérie, » dit Juana, réconfortée par cette vibrante protestation de tendresse. « Tu sais que je t'aime de même et pour toujours. Quant à vous, qui me retenez prisonnière au mépris de l'honneur et de l'humanité, que prétendez-vous faire de moi ?»« Señorita, quand je remplissais près de votre père ces fonctions serviles que je m'efforçais d'ennoblir, je ressentais déjà pour vous cet attachement si tendre et si respectueux, qui sera la grande, l'unique, l'éternelle affection de ma vie. Je ne puis ni ne veux en entendre davantage. Ce serait une insulte à mes sentiments les plus chers. Vous m'écouterez pourtant, señorita, puisque vous avez voulu connaître ma volonté formelle. Il faut d'ailleurs que vous sachiez tout. À présent, au mépris de toute pudeur, vous venez m'obséder de vos protestations quand mon âme s'est donnée à un autre, quand je suis fiancée. À vous ? Fiancée ? Dit-il en pâlissant affreusement. « Oui, je suis fiancé à l'homme qui personnifie à mes yeux les vertus les plus hautes, les sentiments les plus nobles, les héroïsmes les plus chevaleresques. » Il interrompt, voulant railler, mais crispant les poings et serrant les dents. Me sera-t-il permis de savoir quel est cet élu, ce paladin, ce modèle des vertus ? Elle lui lance fièrement comme un défi ce nom « Jean de Fer ». Par Dieu, je m'en doutais. Mais sachez-le, señorita, il y a loin de la coupe aux lèvres. Fiançailles ne sont pas toujours épousailles. Et vous ne serez jamais la femme de Jean de Fer parce que je l'ai condamné. Rayez donc de votre pensée cet aventurier, au nom retentissant et dont la mort n'est plus pour moi qu'une question de jour, peut-être d'heure. Bien que cette horrible menace fît battre le cœur de Juana à pleine poitrine, elle riposte intrépidement. « Oui, il y a loin de la coupe remplie de sang aux lèvres qui veut y boire la haine et la vengeance. Condamnation n'est pas toujours exécution, et Jean de Fer ne périra pas de votre main parce que vous n'êtes pas de taille à l'affronter. J'ai 150 hommes qui ont juré sa perte. Il est condamné, vous dis-je. Mais à quoi bon ces attaques et ces ripostes ? Pourquoi cet escrime de mots ? Cette joute inutile de paroles et d'idées. Je vais droit à mon but, sans m'arrêter aux préjugés, aux violences, aux crimes eux-mêmes. Est-ce que la fin ne justifie pas les moyens, tous les moyens ? Or, c'est vous que je veux pour femme, librement, solennellement, du consentement de votre père, et par le Dieu vivant, je vous aurai. » Il y a un moment de silence tragique. Les deux adversaires se lancent des regards de flamme. D'instinct, l'Indienne se serre contre son ami comme pour lui apporter le réconfort de sa vigueur et de son amitié. Comprenant qu'elle défend son honneur, son bien le plus cher, son amour, Juana fait appel à toute son énergie et réplique. Les excès et, pour tout dire, l'injustice de mon père à votre égard m'avaient peiné. J'eus pitié de vous, de cette affreuse blessure à votre dignité. Ma compassion fut vive et sincère. Plus tard, vous me fîtes peur, mais aujourd'hui, c'est l'horreur que vous m'inspirez. Et moi, qui n'ai jamais connu que les joies sereines de l'affection, je sais à présent ce que c'est que la haine. Vous ne m'effrayez plus et je vous hais. Eh bien, tant mieux. Je ne veux pas de pitié, car je ne suis pas de ceux qui inspirent la compassion. La haine, soit, puisque les extrêmes se touchent. Vive la haine, en attendant qu'elle fasse place à l'amour. Je vous hais, et vous haïrez toujours, toujours, car vous avez l'âme d'un bourreau. » Il ricane, hausse les épaules et s'écrie, en homme sûr de son fait, « Ne jurez de rien, et ne répondez pas de l'avenir. Certes, il est possible que notre union soit mal assortie au début. Peut-être même subira-t-elle quelques orages. Mais aussi, je saurai vous conquérir, par l'intensité même de mes sentiments et l'ingéniosité de ma tendresse. Et puis, quel cadre merveilleux je pourrais donner à votre idéal et surhumaine beauté, car je ne serai pas toujours l'aventurier sans feu ni lieu. Le désespéré qui vous implore en ce moment vous aime et vous menace. Oui, quelques jours encore, et l'humble larve que je suis deviendra un papillon éblouissant. Avide d'azur et de soleil, je serai riche, jusqu'à l'excès, jusqu'à la folie, jusqu'à l'absurde. C'est-à-dire plus opulent encore qu'un Harry Jones, qu'un Vanderbilt, d'un Rockefeller, qu'un roi de la finance ou de l'industrie. Et surtout, d'une autre envergure que ces parvenus qui traînent dans le terre-à-terre de leurs millions. Ma famille, vous le savez, est une des plus illustres du pays. Avec vous et pour vous, je reprendrai ma place parmi les plus grands, parmi ceux qui sont les maîtres de notre République, et pourquoi pas la première. Andrés Romero, 100 fois millionnaire, et comme son oncle Juarez, président de la République mexicaine. Voulez-vous cette féerie d'or, de luxe, de fête, de dignité, de puissance et d'orgueil ? Juana l'interrompt d'une voix lente et grave. « Je suis la fiancée de Jean de Fer, et je veux être son épouse devant Dieu et devant les hommes. » Andrés étouffe un cri de fureur et gronde. « Mais réfléchissez donc ! Est-ce qu'une femme refuse cela ? Me croyez-vous, du moins ? Vous doutez peut-être ? Vous voulez mon secret ? Pourquoi pas ? Eh bien, je touche au trésor des empereurs qui furent mes ancêtres, à ce vertigineux amas de richesses que la destinée va remettre aux mains de leurs descendants, l'unique rejeton de la race, moi, Andrés. J'aime Jean de Fer et ne serai jamais à vous. J'ai dit de gré ou de force ? De gré ? Non, n'est-ce pas ? Alors ce sera de force. Essayez, tout de suite. Vous avez jusqu'à ce soir pour réfléchir. Si au couchant du soleil, je n'ai pas un mot d'espoir, eh bien, votre père et votre mère ne recevront ni une goutte d'eau, ni un atome de nourriture. Mon père, ma mère, que dites-vous ? Je reprends. Ni une goutte d'eau, ni un atome de nourriture jusqu'au moment où vous accueillerez mes hommages. Et je suis décidé à les laisser mourir de faim, si vous persistez dans votre refus. Or, vous savez que je suis homme à exécuter coûte que coûte cette menace qui n'est point une vaine fanfaronnade. Mes parents, Dieu merci, ne sont pas vos prisonniers, et vos menaces ne sauraient les atteindre. Andrés riposte avec un rire effrayant. En êtes-vous bien certaine ? Oui, et vous mentez quand vous essayez de m'intimider. Le métis la regarde fixement comme un enfant volontaire que l'on va terrasser d'un mot, d'un geste. Il s'éloigne lentement, traverse la pièce et ouvre une porte massive pratiquée à l'extrémité. Il pénètre dans une seconde pièce, la traverse avec cette lenteur calculée et décadenasse une autre porte. Livide, les yeux hagards, le cœur battant, Juana comprend qu'il va se passer quelque chose de terrible. Andrés vient de s'arrêter. D'un geste brutal, il fait pivoter sur ses gonds qui grincent le lourd panneau. Derrière le panneau se trouve une grille, formée de barres à mine entrecroisées. Ce réduit est une prison, un cachot dans lequel gémissent, emmurées, lamentables, deux créatures humaines. La lumière venue d'en haut les éclaire violemment, et Juana les voit tendre des bras suppliants. Elle les reconnaît, et un cri affreux jaillit de ses lèvres décolorées. « Mon père, ma mère, vous, c'est bien vous aux mains de ce monstre ?»« Oui, c'est bien Don Blas et Doña Laura, pitoyables, anéantis, qui la regarde avec des yeux d'épouvante. « Ma fille, oh mon enfant adoré !» balbutie la mère d'une voix mourante. « Est-ce donc ainsi que nous devions te revoir ?» Brusquement, sous une rude poussée du bourreau, la porte se referme, cachant à Juana cette vision à la fois si chère et si navrante. « Eh bien, suis-je un fanfaron ?» demande froidement Andrés. « Et me démentirez-vous encore ?» Mais elle ne l'entend plus, elle ne le voit plus, ses lèvres ne peuvent plus proférer un mot. Son cœur cesse de battre et sa pensée s'effondre. Les fatigues endurées depuis 3 jours, l'angoisse, la terreur, l'affreuse réalité, tout cela produit un choc sur lequel succombe son jeune et vaillant organisme. Elle aussi, et tombe comme une morte, entre les bras de l'Indienne, qui lance à Andrés un regard féroce et gronde « Brigand !»